Soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se siente? Et que, pour qui sentis attraction sexuelle affective? Ou pour autres mujeres? Ella deja de ser mujer, por eso? Es imposible dissociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. Para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'accueillir dans ce nouvel épisode de Bord des corps des personnes de l'association Poppy de la CASE. Donc on va présenter un peu. On fait cet épisode spécial sur la prostitution dans le cadre du mois de la santé sexuelle. Donc Poppy est un dispositif de la CASE qui est une association de réduction des risques dans laquelle je travaille actuellement en tant que médiatrice en santé pair. Et Poppy traite en premier lieu autour du milieu prostitutionnel. Donc on est une équipe pluridisciplinaire avec une assistante sociale, un éducateur, un infirmier, une psychologue, une sexologue, une médecin donc gynéco, une médiatrice en santé pair, une médiatrice interculturelle, etc. On va commencer par se présenter un peu tous autour de cette table. Donc moi, je suis Éclo, donc médiatrice en santé pair chez Poppy. Et je ne sais pas dans quel sens vous voulez tourner. Je suis Roxana, je suis prostituée. Moi je suis Jo et je suis travailleuse du sexe, mais je peux le dire d'autres manières oui, aussi. Travailleuse du sexe. Je peux dire aussi prostituée, depuis 4 ans. Et j'ai travaillé un peu à Poppy pendant 2 ans. Moi c'est Amélie, je suis sexologue à Poppy, voilà, depuis 1 an et demi maintenant. Ok, super. Alors, pour lancer un peu ce podcast, on avait d'abord une première question à nos invités, donc travailleuses du sexe. Est-ce que vous souhaiteriez raconter votre histoire, c'est-à-dire un peu depuis quand, dans quel contexte vous avez commencé, comment vous le vivez au jour le jour, et est-ce que cette pratique, elle a évolué au fil du temps? Je ne sais pas qui veut se lancer. Bon, Roxana. Ouais, en fait, à l'âge de 11, j'étais kidnappée, je suis albanaise d'origine, et j'étais kidnappée en fait de ma famille et j'étais castrée, obligée de me prostituer, mais après j'ai porté plainte et la police m'a aidée de changer un peu ma vie, donc j'ai commencé à étudier un petit peu parce que j'étais trop petite et j'ai arrêté pour beaucoup d'années et maintenant ça fait 7 ans que je suis à Bordeaux. Et le premier jour que j'ai sorti en fait dans la rue au boulevard, j'ai connu Poppy, qui à l'époque c'était Naïma, Camille et Marielle, le médecin de Poppy. Et je parlais pas du tout français et je communiquais en anglais. Et le jour après, j'ai dit, bon, je vais connaître cette association. Et je suis venue à l'association et je me trouvais très bien, c'était très accueillant. Et me sont aidés beaucoup et c'est tout. Et je suis très contente. Dès que j'ai un souci ou quoi que ce soit, je viens toujours à Poppy. Ok. Et bon. On est toujours très contente de te voir aussi. Du coup, j'imagine que ta pratique, elle a changé depuis... Oui, elle a changé. J'ai commencé encore à étudier un petit peu la langue française. J'ai travaillé pour une petite période dans l'hôpital, comme nettoyage. Mais j'ai eu un peu de soucis dans ma vie. Et j'ai recommencé encore à me prostituer. Donc, okay. Mais je pense que je vais trouver encore quelque chose d'autre pour faire. Mais pour l'instant, je suis là. Je me prostitue toujours. Ça marche. Merci. Alors moi, je suis TDS depuis 4 ans. Et avant ça, j'avais fait quelques trucs en ligne, des vidéos, de la cam, des trucs comme ça. Et j'étais intéressée par la sexualité de toutes ses formes depuis longtemps, que ce soit dans la littérature, dans l'art, dans le cinéma, peu importe. ça m'intéressait et j'ai décidé de faire ça parce que ça avait du sens. J'avais déjà travaillé dans des métiers un peu de restauration, caissière, j'avais plus envie de faire ça. Et du coup j'ai commencé et j'ai des annonces en ligne, je vais rencontrer les clients soit à l'hôtel, soit chez eux. Ça m'arrive de recevoir mais c'est rare. Est-ce que tu saurais situer le déclic qui t'a dit genre je passe le pas de mettre l'annonce Mais en fait un peu parce que j'étais avec quelqu'un pendant 4 ans et j'y ai pensé pendant ces années-là mais par rapport à cette personne ça la perturbait donc je voulais pas le faire. Mm-hmm. Et en fait quand on s'est séparés ma vie elle a beaucoup changé, j'ai commencé à aller chez le psy tout ça et ça allait mieux et je sais pas, ça fait partie de mon chemin de vie et ça s'est fait comme ça quoi. Après je fais pas beaucoup de rendez-vous et de moins en moins depuis 4 ans, plutôt occasionnel mais voilà. Et du coup, toi, ta pratique, tu sens qu'elle a évolué par rapport à quand t'as commencé ? Ouais. C'est surtout en termes de régularité ou c'est même dans ta façon de penser les choses quand t'as commencé et maintenant, est-ce que ton regard, il a un peu changé ou... Franchement, tout. Déjà, je me mettais beaucoup moins en sécurité que maintenant. Quand je relis les conversations que j'ai eues avec des clients, enfin, je faisais pas n'importe quoi, mais je savais beaucoup moins me sécuriser au début. Maintenant, je sais très bien le faire et tout se passe très bien. Mais je suis moins patiente, je fais beaucoup plus de tri qu'avant. Avant, je prenais un peu des clients de manière plus large. Maintenant, j'ai assez restreint et je suis plus difficile qu'avant. Et j'ai moins de patience et j'ai moins envie de travailler. Toi aussi, Roxana, t'as moins de patience. Oui, moi aussi, j'ai pas la patience comme je l'avais avant. Ouais. Parce que le client il demande certaines choses que je suis pas d'accord de le faire. Mm-hmm. Ok, je le fais pour l'argent, respecte-moi, je te respecte à toi, donc mais j'ai plus la patience comme avant, donc ouais. Des fois j'ai le scat de répondre mal, donc ça c'est dangereux à la rue, surtout quand on travaille dans la rue, c'est dangereux parce qu'on sait jamais mais qu'est-ce qui peut arriver à la voiture parce qu'on ne sait jamais qui on rencontre. Il y a toujours des personnes différentes. Donc, mais je tiens à le dire que déjà Bordeaux, c'est calme comme en ville. C'est pas comme autre ville que toujours ça vient quelque chose du mal. Donc la vie de la nuit ici à Bordeaux, c'est plus calme. Okay. Donc, c'est comme ça. Mais même en ligne, même si c'est moins direct que dans la rue, parce que toi, t'as la personne en face de toi, ouais. Même en ligne, je trouve qu'il y a des villes où ça a été plus difficile de travailler. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans d'autres villes et c'était... Oui, c'est plus difficile. Ouais. Oui, je trouve ça aussi. Il y a des villes où c'est mieux. Je travaillais en Belgique et en Belgique, c'était vraiment bien. Oui, mais en, mais en France... Mais je pense que ici, en France, j'adore la France, j'aime la France, il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'ils vont garder les choses un peu cachées. Oui. Oui. Parce que la prostitution, ça existe par Internet, ça existe à la rue, mais c'est pas légal. Ouais. Donc j'aimerais bien que c'est légal, on déclare, on... Mais t'as raison de le préciser parce qu'en France, on m'arrête si je me trompe, mais genre, il me semble que de façon générale, en France, la politique en France, elle a quand même plus une part abolitionniste, et du coup, il y a un peu la loi qui est ambiguë où la prostitution, c'est légal, tu peux te prostituer, mais en fait, le client... Lui, par contre, n'a pas le droit d'acheter justement des services sexuels. Mais du coup, ça crée. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça existe, mais c'est caché. Voilà. C'est ça que. C'est ouvrir en même temps. C'est, du coup, ça offre pas de réelle sécurité finalement. Oui. Et au contraire, puisque la plupart des personnes, notamment en travaillant de rue, mais même en travaillant en ligne, tu peux recevoir des pressions supplémentaires, etc. Et genre, sont obligés de se cacher davantage, accepter parfois des pratiques qu'ils n'auraient pas acceptées, etc. Mmh. Donc c'est une fragilité, c'est plus vulnérabilisant pour les personnes. En plus, maintenant, ils ferment ils arrêtent les lumières dans les petites rues. Donc c'est un peu plus dangereux pour nous qu'on est à la rue. Mmh. C'est... Mais pas que pour nous, c'est même pour une jeune fille, pour une studente, pour une qu'elle marche dans la nuit comme ça, c'est un peu dangereux. Donc, mais toi, du coup, quand c'est comme ça, tu rentres plus tôt ou tu restes? Non, je reste quand même jusqu'à 2h, 2h30, je reste. Mais j'ai, après une heure de nuit, je sélectionne mes clients. Donc, je ne vais pas à n'importe qui. Si je vois que ça ne me plaît pas dans le visage, je ne vais pas. Est-ce que tu as plus de gens qui sont alcoolisés aussi la nuit? Oui, mais le week-end surtout. Mais je sélectionne. Par exemple, je ne vais pas avec les jeunes. Les trop jeunes, je ne vais pas. Ou si je vois quelque chose que ça ne me plaît pas dans la communication, ou c'est déjà non me respecte le premier moment que lui, il arrête, je dis non. Donc... Il y a plein de stratagèmes pour se mettre en sécurité. Oui, pour... ouais. Alors, vous avez appris à dire non plus facilement avec le temps, ou au début c'était dur, ou est-ce qu'encore aujourd'hui c'est dur? Non, moi j'étais toujours comme ça. Ouais. j'étais toujours, si je ne veux pas quelque chose, je dis non et c'est tout. Même quand j'étais à l'époque toute petite, que j'étais forcée de le faire, j'ai dit toujours non, non, non, non. Même si je parle français, mais pas français, je dis non. Je l'exprimais d'une façon ou d'une autre. Ouais. Moi ça m'est arrivé de ne pas réussir. Enfin, déjà dans ma vie personnelle, c'était compliqué de mettre des stops et des barrières, mais maintenant j'ai l'impression que j'ai pas de problème avec ça, mais que je sais bien faire et mettre mes limites. De toute façon, il y a du tri avant. Moi, je parle beaucoup par je parle un peu par message avant de rencontrer quelqu'un, donc j'ai le temps de dire tout ce que je fais pas et ce que j'accepte de faire. Mais t'es obligée d'apprendre à dire non, parce qu'en fait les clients, y en a plein qui vont forcer, qui vont toujours vouloir pousser les limites, même ceux qui sont gentils et qui sont des habitués, en fait, au contraire, ils sont plus vicieux et ils vont essayer de dépasser tes limites en te faisant culpabiliser ou d'autres choses. Donc il faut toujours être un peu en alerte et en fait, ça t'apprend, le TDS, à mettre vraiment des limites très claires. Oui, c'est on dit les choses, comment dire, on rit un peu, on se rit un peu, pas être trop direct, mais avec le sourire et tranquille, on explique, écoute, je fais pas ça, et c'est tout. Là, on a un peu parlé des difficultés, des dangers, du coup, qu'on peut rencontrer si vous voulez développer sur d'autres choses qu'on n'a pas dit encore pour l'instant, libre à vous. Mais c'est vrai que du coup ça implique toute une manière de se mettre en sécurité, de détecter en fait certains comportements, certaines façons. Enfin, moi je me rappelle le tutoiement direct ou des choses comme ça, ou genre certains profils, etc. Enfin, c'était genre je bloquais directement quoi. Et les personnes qui n'ont pas lu l'annonce aussi par rapport à la, quand c'est en ligne, qui te demandent les pratiques que tu as explicitement dit que tu ne faisais pas, enfin des choses comme ça. Mais voilà, est-ce que vous avez d'autres dangers que vous voyez ou d'autres manières de les éviter, enfin, de vous sécuriser justement, que vous avez développé? J'ai toujours mon spray paralysant avec moi. Donc, si quelque chose ça passe, si je vois quelqu'un, par exemple, il vient un jeune, parce qu'on a un problème plus avec les jeunes. Qu'avec 40 au-dessus, ok, mais les gens, ils sont un peu... Oui, donc c'est... Je vois quelqu'un qui est un peu bizarre, on peut dire. Je garde toujours mon gaz paralysant dans la main. Et ça m'est arrivé une fois de l'utiliser, mon gaz. Mais ça m'est arrivé une autre fois aussi qu'eux, ils sont utilisés sur moi pour me voler le sac. Et depuis ce jour-là, j'ai un peu peur. Quand j'ai... Mais heureusement, Poppy, elle est là. Donc, le jour quand j'étais gazée, je suis vite arrivée à Poppy. Et de ce jour-là, je souffre d'asthme. Il m'a bien gazée. Donc, je n'arrivais pas à respirer. Depuis ce jour-là, maintenant, je suis avec la Ventoline et la Seretide. Mais je dis merci à Dieu que c'est fini là, que ça n'a pas passé quelque chose en plus. Donc Et du coup, dans la rue, tu croises d'autres filles aussi. Est-ce que du coup, vous vous surveillez, enfin, vous vous protégez mutuellement ou c'est... Oui. Oui, c'est parce que voir maintenant, comme je tourne encore à l'électricité de la nuit, maintenant, après 1 heure de la nuit, on va tous dans le même parking. Okay. Comme ça, si on voit quelqu'un qui tarde ou s'il y a un problème, on voit. Par exemple, avant 2 jours, ma collègue, qui est toujours là avec moi, elle avait eu un souci avec son client. Donc, j'ai descendu de la voiture. J'ai dit, bon... j'ai pris ma copine et on allait toutes les deux. Donc, on se protège un peu comme on peut. Après, il y a la police aussi, les civils qui viennent. Ils passent régulièrement. Ils demandent si tout va bien, comment si on a des problèmes et tout. Donc, si j'ai un souci dans la nuit, si je vois la police, je les demande des conseils, de demande comment je peux faire, comment je peux me comporter. Et ils m'expliquent, on passe 5 minutes en rigolant et c'est tout. Okay. I'm selling coach. I'm selling coach. I'm selling coach. I'm selling. Okay. I'm selling coach. I'm selling coach. I'm selling coach. I'm selling. Okay. Your man said he wanna go to Gucci World. So I introduced him to the Gucci girls. I got that type of Gucci that will make them toes curl. I finna bust it open, make this Gucci swirl. I put him on his knees, I swear that little boy too easy. I give him something to eat, I swear that little boy too greedy. Bitch, I'm selling pussy, that's the reason why I leave him. Put this pussy on him, make him seem like he a Leah. Quel danger on peut rencontrer, c'était ça? Ouais, par exemple, vu que toi, bah, tu te déplaces plutôt au domicile d'une personne ou à un hôtel, du coup, est-ce que tu fais attention à certaines choses qui pourraient te mettre en alerte, que ce soit dans la chambre d'hôtel, chez ton client En fait, tu te mets un peu dans un mood d'alerte direct où tu as hyper conscience de l'espace qui t'entoure. Tu sais si là, il y a une porte, tu sais s'il y a une chambre qui est fermée, et tu te poses souvent la question de est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'appartement. Enfin, ta tête, elle fait une map, une carte, un plan de l'espace mental. Et t'es toujours en alerte du début à la fin du rendez-vous sur ce qui pourrait se passer et comment le client il est avec toi, comment il se comporte, comment il bouge, où elle est sa main, enfin, tu vois ce qu'il peut te maîtriser physiquement ou pas. Et t'es quand même dans le moment et il peut y avoir des trucs positifs, mais il faut toujours être un peu en alerte et faire attention à ce qui se passe et pas faire confiance. Et surtout, quand il y a des clients que tu as déjà vus, qui sont réguliers, il ne faut pas tomber dans le truc de leur faire une pleine confiance, parce qu'au contraire, ils peuvent profiter plus et te rendre plus vulnérable. Donc je pense qu'il faut toujours être alerte et faire attention à soi. Ouais, même si on connaît le client. Ouais. Parce que moi aussi, je travaille à l'hôtel, je travaille à domicile. Donc je travaille à la rue, hôtel, domicile. Donc quand le client est bien, je demande toujours s'il y a quelqu'un d'autre, si je vais à domicile. C'est lui vivre toute seule. Par exemple, j'ai des clients qui avec le grand-père à la maison, mais lui est dans une autre chambre. Donc, mais à l'hôtel, je suis plus rassurée à l'hôtel. Donc, mais il faut toujours pas avoir beaucoup de confiance. Parce que j'avais un client aussi très régulier qui vient 2-3 fois par semaine me voir à la rue. Donc un jour, lui m'a demandé si je peux aller chez lui. Bien sûr que le prix, c'est plus. Donc je lui ai dit mon prix, on était d'accord. J'ai parti chez lui et il a fermé la porte. Mais je le connais très bien, cette client. Et pour ça, j'avais confiance d'aller chez lui. Et il a fermé la porte et m'a gardé chez lui jusqu'à 5h du matin. Donc je ne pouvais pas sortir. C'était horrible. Je pleurais et tout, et à 5h du matin, lui m'a ouvert la porte et lui m'a laissé aller. Donc maintenant, je fais plus attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Est-ce qu'il est revenu te voir dans la rue après? Ah oui. D'accord. Ouais, mais j'ai pas accepté d'aller même à la voiture, même chez lui. J'ai plus accepté. Oui, c'était fini. Ouais. Oui, il l'a pas respecté en fait. Parce que certains gens, clients, gens, ils sont personnes, hein, comme moi, comme lui, je suis un être humain, hein, je suis pas même les animaux, des fois, on ne les peut pas traiter comme ça, mal. Donc, j'ai pensé de lui donner une autre chance, mais après, j'ai dit non, c'est fini. Ouais, donc, certains clients, ils pensent que nous, on est là et on fait tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut respecter les personnes, on est dû être humain quand même. Si je te dis, le prix, c'est ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, il faut que lui accepte, sinon... Mais c'est le stigma qui participe à faire penser à certains clients qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec les travailleuses et il n'y aura pas de répercussions. Ils ont cette impression-là qu'on n'est pas, pas des êtres humains comme les autres et qu'ils peuvent se permettre des choses. On n'est pas des êtres humains. En fait, je n'ai pas confiance aussi quand on parle de préservatifs. Parce que certains clients ils viennent là et te demandent des positions et te tournent et ils sortent le préservatif et ça c'est un peu ça aussi c'est dangereux parce que on sait jamais parce qu'il y a beaucoup de maladies maintenant qu'on ne les voit pas mais ils sont les maladies donc je me protège tout le temps. J'utilise le gel pour pas pour être toujours lubrifiée et tout. Donc, Mais sur les maladies, les infections sexuellement transmissibles, on se rend compte que genre, les clients ils sont pas du tout éduqués. Ils savent pas comment se transmettre les IST, ils savent pas comment les attraper, enfin, ils savent pas comment ça se soigne, ils savent pas que la plupart, on peut pas les voir, comme tu as dit, c'est pas détectable. Et ils prennent des risques, ils s'en rendent même pas compte en sexe oral pas protégé, ils savent pas qu'ils peuvent avoir une IST. Oui, j'essaie d'expliquer, regarde, que tu peux avoir, je peux avoir cassé avec le sang, je peux te transmettre, oui, mais t'es pas malade, oui, je suis pas malade, mais il faut faire attention, il faut se protéger quand même. Je suis dans la rue, moi je te connais pas, tu me connais pas, donc il faut toujours se protéger. Et il y a beaucoup d'IST qui ont pas de symptômes, justement. Oui, il y a plus. Et ça continue d'évoluer quand même si on n'a pas le symptôme. J'ai la phobie des éléments, moi. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui me touche. j'ai la phobie. Je dis, oui, mais les mains, ils touchent tout. Et... Il faut les laver, enfin. J'ai la phobie. Du coup, fais la main, moi, je dis stop, s'il te plaît. Et du coup, toi, Roxana, tu as un peu expliqué comment tu as découvert Poppy. Ouais. Mais toi, comment ça s'est passé J'ai découvert Poppy pas longtemps après avoir commencé, je pense, par une autre travailleuse qui m'a parlé de Poppy. Et je suis venue voir. Et j'ai trouvé plus que ce que je cherchais, parce que c'était un endroit... un peu comme toi, Roxana, sécuritaire, ou quand il y a un problème... C'est comme la femme, ouais, un peu. Quand tu as un problème, tu viens, tu sais que tu te sens bien ici, que tu es en sécurité. Si tu as un problème, tu peux en parler en intimité dans les bureaux, avec la médecin, ou il y a que des gens de confiance. Et puis tu peux faire tes tests, il y a des activités de relaxation, juste de se poser, de pouvoir parler un peu, de ne pas être jugé, de ne pas devoir toujours expliquer des choses sur notre activité. Ouais, j'ai recommencé à me soigner en venant ici parce que j'avais plus de médecin, je prenais pas soin de ma santé. Et de voir le médecin, de me sentir en confiance, ça a fait que j'ai repris un peu mon corps en main et ma santé. Et c'était très positif. Ça s'est fait par étapes un peu. Oui, parce que des fois, tu vois, les travailleurs du sexe, ils s'oublient d'eux-mêmes. Parce que, par exemple, ma vie, maintenant, ma vie, c'est rue, maison, dormir, réveiller, partir, revenir. C'est ça, la vie. Mais quand on prend de contact avec Poppy, on commence un peu à nous aimer. À nous aimer. Oui, à nous aimer. Ouais, mon français, c'est pas parfait. Je parle trop bien. Donc, on commence un peu à prendre soin de nous, parce qu'ici, il y a même un massageur. Ouais. Oui, on a une masseuse qui vient. Une masseuse, il y a un psychologue, et il y a l'assistante sociale aussi. Donc, on peut demander des conseils, on peut demander plein de choses, des choses qu'on ne sait pas, administratives. Donc, ça change beaucoup. ça change beaucoup. Juste pour venir boire un café, rester là, parler, rigoler un peu, ça fait du bien. Et c'est quoi pour vous la santé sexuelle? La santé sexuelle, répondre. C'est le mois de la santé sexuelle. Donc, La santé sexuelle, pour moi, ça englobe un tas de choses. Et, mais le premier truc auquel je pense, c'est les IST, les maladies, comment... déjà, il faut les connaître. Il en existe beaucoup. Savoir comment on se soigne, parce que la plupart se soignent bien. Qu'est-ce qu'on peut faire en préventif? Il existe la PrEP, par exemple, ou d'autres choses. Comment on prend soin de son intimité et pour pas abîmer sa flore et si on a des irritations. Enfin, qu'est-ce qu'on utilise pour... Comment on met les préservatifs qu'est-ce qu'on insère ou on n'insère pas à l'intérieur de son vagin, parce que des fois on voit que c'est pas forcément une évidence. Et comment on prend soin de soi dans son intimité personnelle, parce qu'il y a le TDS d'un côté, mais il y a aussi la vie personnelle et la sexualité perso. Et c'est des choses qui vont forcément changer en faisant ça. Et les autres vont peut-être nous voir aussi différemment. Enfin, c'est des choses auxquelles il faut penser, mais c'est pas anodin. Il faut pas s'oublier, il faut faire attention à soi et prendre soin de soi dans la tête, dans le corps, et prendre soin dans la tête. Dans la tête surtout. Mais dans la tête, parce que moi, par exemple, moi j'ai un problème, du coup je vais être chez moi, il faut que j'apprenne mais laver, parce que moi j'utilise beaucoup de détergents intimes, et le médecin ici m'a dit il faut pas, mais moi c'est comment je me sens un peu seule. En fait, c'est la sexualité au travail et la sexualité personnelle. Et forcément, ben, je pense que c'est même très sain pour moi de ne pas mélanger justement pour garder ce côté-là. Pour en fait aussi essayer de retrouver peut-être dans l'intimité, en tout cas qui est plus personnelle, ben, une forme de plaisir aussi. Oui, je vais apprendre ça doucement. Oui, c'est bien. Un peu de... Mais le fait de penser à la saleté, c'est un truc qui fait partie du stigma. C'est genre comment la société globale te fait ressentir. Et qu'est-ce que quand tu dis que t'es TDS à quelqu'un, il te fait ressentir. Et il y a pas mal de gens, pour eux c'est lié à la saleté, tu vois, c'est sale de faire ça. Et du coup tu l'intègres et tu penses que toi t'es sale, donc t'es obsessionnel avec ça. Et tu dis qu'il faut que tu te laves de manière violente. Quoi. Alors c'est qu'en bien, fait, des fois je pense de prendre le... le Javel. Non, je rigole. Non, mais il faut travailler sur ça et réfléchir prendre soin de toi et être plus douce. Je parle avec Marielle, avec le médecin d'ici, de Poppy. Être bienveillant avec soi. Mais avant, j'étais pire. Maintenant, je me calme un peu. C'est bien. C'est-à-dire que ça est bon. Ça marche. Et comme d'autres, du coup, tu peux prendre soin de ta santé sexuelle. Est-ce que tu fais des dépistages, par exemple? Oui, toujours. Toujours. Dès que j'ai mis à Poppy, j'ai fait. Oui, parce que du coup, à Poppy, on est tous formés au TROD, donc au test rapide d'observation diagnostique, qui permet de dépister le VIH, la syphilis, l'hépatite B et l'hépatite C. On fait aussi des autoprélèvements pour essayer de dépister chlamydia gonorrhée. On a un petit labo justement à la CAS qui permet d'avoir des résultats très rapidement. Et on les dépiste, mais on les traite aussi si jamais y a une annonce de... Voilà, on voit qu'il y a l'annonce, il y a une chlamydia qui est reçue positive. On a, le traitement pour la soigner rapidement et permettre un suivi aussi de ce côté-là. Donc c'est... Le but, ça va être de développer aussi des moments de réunion et de conversation, parce que je pense que si la santé sexuelle, c'est quelque chose qui passe effectivement beaucoup par la parole et par l'échange aussi à ce sujet-là, et savoir comment on se protège de plein de dangers différents, et on se préserve, et voir on s'épanouit aussi. Et on essaye de aussi accentuer là-dessus. Et je pense qu'il y a plein de choses qui semblent être évidentes, auxquelles on peut se dire que c'est évident, mais en fait, pas du tout. Et... Genre comment se nettoyer par exemple, c'est pas une évidence en fait, et il y a plein de gens qui font des trucs trop agressifs, ou comment mettre un préservatif, on a l'impression qu'on sait parce que c'est facile, mais en fait non, il y a plein de gens qui savent pas le mettre quoi, et moi je laisse pas les clients le trouver parce que c'est qu'ils moi savent pas que faire. Le mettre toujours le préservatif. Ouais, pareil, que les clients ils font n'importe quoi. Ouais, et ils peuvent le casser, il faut faire n'importe quoi. C'est vrai que c'est bien de parler de ces choses-là et de reprendre les bases pour savoir... Et les clients apprennent de mettre le préservatif. Ah ça, oui. Il y aurait beaucoup de pédagogie à faire chez eux, mais... Ça prend encore plus de temps. Oh là, c'est un autre sujet. De quoi, pour terminer, vous auriez besoin pour améliorer vos conditions de travail? La maison close. Mais t'as déjà travaillé dans des maisons? Oui, j'ai travaillé en Angleterre, un peu en Belgique. C'était bien. Il y a la douche, il y a des associations comme ça, comme un popi, qui prend soin de les filles et on fait les analyses et tout. Donc, je me trouvais très bien en Angleterre, pas en Belgique, parce que... En Belgique aussi, c'était bien, mais être là à la vitrine, comme... J'aime pas. Mais les maisons fermées, c'est bien. Parce qu'il y a la douche, il y a tout ce qu'on a besoin, un lit. C'est plus sécurisant. Plus sécurisant, oui. Il y a une sécurité à l'appart. Donc c'est bien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en France, on fait les choses un peu cachées, mais on sait qu'elles existent. Oui, c'est hypocrite. Ouais. Moi, je dirais la décriminalisation. Ah, si on doit mettre les pieds dans le plat. Tout, le pire truc, c'est le stigma pour moi, parce que c'est la source, c'est la racine de tout. Et il faut partir de là quoi, pour réfléchir autour du travail du sexe, parce qu'il y a tellement de fantasmes sur cette question et... Tout est mélangé, les gens disent n'importe quoi, les abolos disent n'importe quoi. Et en fait, la prostitution, c'est quelque chose de très complexe et il y a une infinité de parcours. Enfin, juste nous deux, on n'a pas du tout la même histoire. Et c'est très complexe, c'est pas juste on est victime ou juste c'est parfait, c'est toujours entre les deux et c'est un travail et on n'est pas reconnu et c'est des conditions difficiles, dangereuses. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une agression? Est-ce qu'on peut aller porter plainte? Enfin, il y a plein de questions qui sont pas assez élaborées. Sur lesquels on pourrait se pencher, quoi. Super, ben merci beaucoup. Françoise, si vous avez quelque chose à rajouter, ou Amélie, si tu veux rajouter quelque chose. Ben, moi, je voulais vous remercier d'avoir bien voulu participer au podcast, parce que je pense que moi et Clou, on a conscience que c'est pas forcément un sujet facile, enfin que c'est... Et puis pareil, ce que tu as dit, le stigma, c'est encore très tabou dans la société, qu'on se le dise, notamment en France. Donc je vous remercie vraiment de faire entendre votre voix, c'est super important, et je pense que ce soit nous en tant que professionnels, enfin, on apprend énormément à votre contact, à ce que vous vivez, et ça nous permet aussi toujours de questionner notre pratique, de se réadapter au plus juste, et de faire en sorte que Poppy reste un lieu ressource pour vous aussi. Adorable. Merci de me donner aussi l'occasion pour parler un peu, pour expliquer un peu l'histoire de la rue surtout, parce que maintenant on n'est pas beaucoup à la rue, on n'est pas beaucoup de filles, ça existe beaucoup en internet, on n'est pas beaucoup filles à la rue, donc c'est plus comme avant, le travail il est plus comme avant, parce que c'est illégal aussi pour les clients, ils risquent une amende, eux aussi risquent beaucoup, donc je ne sais pas si c'est possible, c'est illégal et c'est tout. Merci. Histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour et qu'on est là tout près de lui à regarder mourir sa vie. Soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. ¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer por eso? No sé qué. Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps.